des jours dans mon cœur où les nuages s'amoncellent. Ils emportent les couleurs, obscurcissent le ciel. Je serais aujourd'hui si reconnaissant, si un ami, une amie m'offrait ne serait-ce qu'un sourire. J'en ai peur, est encore un jour sans. J'allume le téléviseur pour tuer le temps. Je serais aujourd'hui tellement heureux si un ami, une amie donne des couleurs à ma vie. Cette putain de vie m'écoeure, sur la balustrade je chancelle. Appelez le docteur, cette putain de vie m'écoeure, sur la balustrade je chancelle.